Bienvenue à Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy pour la prochaine heure. Cette semaine, musique assez mollo. J'ai eu une grosse fin de semaine, un aller-retour hier à Montréal pour un show de Caspian. Il y avait aussi This Quiet Army, puis ça avait débuté avec Early Transcendentals, donc un show vraiment privé, si on veut. C'était dans le Love From Hell, dans le quartier Saint-Henri à Montréal. Donc, groupe Caspian qui sont en tournée, mon Dieu, depuis un méchant bout de temps, qui ont des dates à tous les soirs, tournée aux États-Unis. Après ça, ils se dirigent vers l'Europe. Donc, c'était vraiment spécial de les voir dans un petit loft comme ça. Donc, c'est ça, je me suis fait massacrer un peu les oreilles. Ça a été assez rough. Donc, je vous ai trouvé des pièces assez douces ce soir. J'espère que vous aussi, vous avez besoin de vous reposer les oreilles un peu. Donc, on va débuter avec deux artistes qui publient sur U-Torn. C'est un net label qui nous vient de l'Ukraine. On va débuter avec une pièce vraiment planante, atmosphérique par Spica. C'est la pièce Cinematic Feeling. Ensuite de ça, je vous fais entendre River avec sa pièce Sky Art. Thank you. C'était River avec sa pièce Sky Art. Avant ça, c'était Spica avec Cinematic Feelings. Donc, deux artistes qui publient sur U-Turn plutôt, donc un net label qui nous vient de l'Ukraine. On va poursuivre avec un artiste qui vient des îles Canaries. Il s'agit de Julius Marvessel. Je vous fais passer sa pièce Jazzanov. Ensuite de ça, sur un tout nouveau net label qui se nomme BPM 120. C'est tout nouveau, ils ont seulement un album à leur actif. L'artiste s'appelle Guy Walker. Je vous fais passer sa pièce « I'm Jack Daniel's best friend ». Drôle de titre. Donc, c'est ça, on écoute Julius Marvessel. Thank you. C'était Guy Walker à Web Music avec sa pièce I'm Jack Daniel's Best Friend. Ça, c'était publié sur BPM 120. Avant ça, des îles Canaries, il s'agissait de Julius Marvessel avec sa pièce Jazzanov. Donc, ça, c'était publié sur Dusted Wax Kingdom, un petit net label favori à l'émission. Donc, ben, je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces que vous entendez à l'émission. C'est assez simple. Vous vous rendez au www.webmusic.org. Vous avez les liens vers les artistes, vers les net labels. Vous avez aussi plein de ressources dans le monde du net audio, mouvement open source aussi. C'est le genre de trucs qui m'intéressent. Si ça vous tente aussi, vous pouvez toujours suivre l'émission sur Twitter. J'ai un compte qui est quand même assez actif durant la semaine. Donc, c'est ça. Toutes ces informations-là se retrouvent sur la page de l'émission. On va poursuivre avec une pièce vraiment spéciale. C'est par Tree Helicopter. La pièce s'appelle Count Control Control. C'est des échantillonnages de musique vraiment spéciaux. C'est des échantillonnages de radios à fréquence courte, des radios espions. Donc, c'est des radios qu'on peut capter, qu'on entend seulement des numéros. Des stations assez mystérieuses. Donc, l'artiste s'est servi de ces enregistrements-là pour produire ses pièces. Ça, c'est publié sur Webedan Records, un excellent netlabel qui compte plus de 130 albums à télécharger gratuitement. Donc, toujours des trucs à tendance assez expérimentale, mais des trucs qui valent vraiment la peine. Donc, on écoute tout de suite Tree Helicopter. Thank you. Ici Marie-Ginette Gay, directrice artistique du Théâtre Périscope. Saison 2010-2011, 9 pièces, 3 mouvements, des visages pour une saison colorée à croquer avec nous. Abonnez-vous à 3, 6, 9 pièces. La saison 2010-2011, une saison à votre image. Théâtre-périscope.fc.ca. Du lundi au vendredi, déveignez-vous avec le 89.1. Actualité, société, culture. 2h30 de plaisir. Avant 9h, tout est possible, avec Raymond Poirier et son équipe, dès 7h. C'est décidé, putain, CKRL. De retour à Web Musique, donc vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Encore une petite demi-heure ensemble. Donc, ce qu'on entendait avant la pause, c'était Tree Helicopter, un artiste audio. Qui donc sa pièce s'appelle Count Control Control. Pour ceux qui connaissent un peu le sujet, c'était des samplings de number stations, donc des stations à numéros sur les ondes courtes. C'était publié sur Web and Records. Donc on va poursuivre avec un artiste espagnol cette fois-ci du nom de Aitana. Je vous fais passer sa pièce Amnesia. Puis ensuite de ça, sur l'excellent netlabel canadien, donc de la ville de Vancouver, le netlabel s'appelle Paper Mill Records. Je vais vous faire passer Power and Beauty, c'est la pièce Lavender. Power and Beauty qui viennent de Spokane, dans l'état de Washington, aux États-Unis. Je vous recommande Paper Mills, ils ont des trucs mais vraiment intéressants. Il n'y a pas si longtemps, ils ont publié un documentaire, c'est en 10 épisodes, c'est sur les planteurs d'arbres. Donc, ils ont utilisé la musique de leur netlabel pour produire donc ce documentaire-là. Vraiment sympathique, on entend parler un peu plus comment que ces gens-là fonctionnent. C'est une vie qui est vraiment très rude, mais qui, en même temps, qui a ses avantages. Donc, je vous invite à faire un tour sur le site de Paper Mill Records, des vidéos, plein de bonne musique aussi. Donc, c'est un site à visiter. Donc, sans plus attendre, on écoute Aitana avec la pièce « Amnesia ». Vous êtes toujours à CKRL, les très belles voix de Power and Beauty, la pièce Lavender, ça c'était publié sur Paper Mill Records. Avant ça, ben, c'était un artiste espagnol du nom de Aitana, la pièce Amnesia. On va se diriger un peu plus du côté électronique pour la suite. Je vous fais passer deux artistes russes. Le premier s'appelle Zero FX. Le nom de sa pièce, c'est plutôt alphanumérique. Attendez un peu, c'est N353498. Puis ensuite de ça, ça va être Monocle and Gallon, deux artistes russes qui publient sur 12 Rec. Je vous fais passer leur pièce Fine Care. Vous allez voir, ça, c'est vraiment bon. Donc, on écoute tout de suite Zero FX. Thank you. C'était Monocle and Gallon à Web Music, la pièce Fine Care, vraiment une pièce excellente, vraiment planante. Donc, Monocle and Gallon, deux artistes russes qui publient sur 12 Rec, un excellent net label. Ils ont beaucoup d'albums à offrir. Je vous invite à aller faire un tour sur leur site. Ça vaut vraiment la peine. Avant ça, ben, c'était Zero FX, toujours de la Russie, avec sa pièce N353498. Donc, une pièce au titre alphanumérique. Donc, on va poursuivre avec un artiste bulgare qui publie sur Jisatsukan. L'artiste s'appelle T-Rex. Je vous fais entendre sa pièce « Someone has erased my memories ». Thank you. De la Bulgarie, c'était T-Rex, ça s'écrit T-R-X, donc c'était sa pièce « Someone has erased my memories ». C'était publié sur Jisatsukan, un net label qui nous vient de la Bulgarie. Ben, ça va déjà être tout pour Web Music. Je vous laisse sur une dernière pièce. Tout de suite après, ben, ça va être le Dr Franco qui prend les ondes de CKRL. Donc, on va se laisser sur une pièce de Monica Pitch. Sa pièce s'appelle Tantôt Bonheur. Monica Pitch, c'est une Polonaise qui publie sur Rhythmus. N'oubliez pas, venez faire un petit tour sur le site de l'émission Webmusic. Donc, ça se retrouve au www.webmusic.org.org. Donc, venez faire un petit tour, vous allez pouvoir télécharger toutes les pièces entendues à l'émission. Donc, ben, c'est ça, on se quitte sur Monica Pitch, la pièce « Tantôt bonheur ». Je cherche. tous les restaurateurs à remettre une facture à leurs clients. C'est vrai pour tous les types de restaurants, des plus petits aux plus grandes tables, et que l'on paie comptant ou avec une carte. Ainsi, à votre prochaine visite au restaurant, assurez-vous d'obtenir votre addition. C'est un petit geste simple qui nous rend grandement service. À tous. Bon appétit. Et surtout, n'oubliez pas de demander... L'addition, s'il vous plaît. Un message du gouvernement du Québec. Cultive tes goûts. Dès 10h30 en semaine à CKRL, c'est en français que ça se passe. 5 animateurs passent en revue le francophone sous toutes ses facettes. Écoutez Univers francophone. C'est le destiné, putain, CKRL. Cultive tes goûts.